Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les vedettes de cinéma ou de music-hall, de cinéma et de music-hall, rencontrent leur public. Le public est dans la salle, mais le public n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer ailleurs, de les approcher, de les toucher. Heureusement, il arrive que les vedettes se marient et qu'alors les fans assistent, généralement de loin, à l'extérieur de la mairie, à l'extérieur de l'église, à la cérémonie. Voici le reportage d'un mariage bien parisien, mais qui se déroule dans le Sarladais, en Dordogne. Mariage civil, article 212, 213, 214, puis mariage religieux. Le jeune curé a un débit de plus en plus précipité, l'émotion peut-être, le temps qui lui est imparti. Musique originale composée par un ami du marié. C'est tout simple, on met des notes sur les lettres des mariés, vous comprendrez. Le journaliste, Jean Quittard, commente, interroge, apprécie et... on ne saurait terminer un reportage sans tendre le micro à la jeune mariée, demande à celle-ci de chanter. Y parviendra-t-il ? Y était-il parvenu le 3 juin 1947 pour la chaîne parisienne ? Ici, le château des Mirandes. Ce château est situé sur la rive gauche de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Sarlat. Ah, les bords de la Dordogne, si vous saviez comme ils sont jolis en cette saison. Le soleil, qui brille aujourd'hui dans un ciel sans nuages, avive toutes les couleurs d'une campagne où la végétation est riche et variée. Sur les collines, qui moutonnent aux alentours, on distingue à travers les feuillages d'autres châteaux. Cependant que dans la plaine, des rangées de peupliers bruissent sous l'effet d'une brise légère. Le château des Mirandes, qui appartient à Joséphine Baker, se dresse sur une colline et l'on y accède par une petite route en lacet sur laquelle les villageois ont jeté des fleurs et des feuillages. C'est une coutume du pays, mais c'est aussi une marque d'affection et de sympathie. Après avoir franchi un portail en fer, on arrive dans la cour du château, sur un sol recouvert de gravier. À droite se trouve la chapelle, construite au XIIe siècle et dans laquelle se déroulera tout à l'heure la cérémonie religieuse. La masse du château est dominée par un donjon carré à tour pointue. Le château est du XIVe siècle. L'aile gauche est composée d'une grande véranda surmontée d'une terrasse. Derrière le château, face à la Dordogne, la propriété se prolonge par un immense parc à étages dans lequel Joséphine Baker a fait installer le portique à colonnes et les statues qui ornaient sa propriété du Vésinet. La grande artiste, qui adore les fleurs, a fait venir de Paris de nombreux pieds d'hortensia qui ornent les massifs de la cour et du jardin. Mais voici que les invités se rassemblent devant le porche d'honneur tandis que la cloche de la chapelle sonne. Ils vont monter au premier étage où la cérémonie officielle du mariage va être célébrée. Car le maire, comme le curé, s'est déplacé pour venir officier sur place. Vous pensez bien que le mariage de deux artistes aussi réputés et aussi fantaisistes que Joséphine Baker et Jo Bouillon ne pouvait pas se dérouler comme tous les autres. Ce salon du premier étage s'appelle ici le salon doré, car il y a aussi au rez-de-chaussée le salon oriental. C'est une grande pièce de 8 à 10 mètres de côté, dont une face est occupée par une grande cheminée toute blanche. Des meubles anciens, vieux buffets, vieux secrétaires alternent avec un piano laqué, un divan, des fauteuils et deux tables en bois doré et en marbre. La mariée est vêtue d'une robe toute simple en toile bleu ciel, ornée d'orchidées, avec cordelière en argent. Jo Bouillon est en costume de ville, complet droit, bleu marine. À part le préfet, il n'y a pas de personnalité étrangère à la famille. La cérémonie est très intime. Le père, la mère et le frère aîné de Jo Bouillon sont là. L'autre frère, Gabriel, n'a pas pu venir. Et Pierre Guillermin, qui arrange tous les morceaux joués par l'orchestre Jo Bouillon, figure également parmi les invités, qui ne sont pas plus de 40. Le maire de Castelnau, M. Ségurel, qui porte... à la ceinture, l'écharpe tricolore s'installe devant l'une des deux petites tables, recouverte d'un tapis de dentelle surchargé de fleurs blanches. Célébration du mariage de M. Bouillon Joseph Jean-Étienne avec Mademoiselle Baker Joséphine. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder au mariage. Nous donnons lecture, conformément à la loi, des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article du Code civil, article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Le mari, chef de famille, a le choix de la résidence du ménage. La femme est obligée d'habiter avec son mari. Celui-ci est tenu de la recevoir. Article 214. Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 et 1575, où la contribution de la femme est fixée sur la base établie en ces articles. Article 215, la femme a le plein exercice de sa capacité civile. Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté. Consentement des époux. Monsieur Bouillon Joseph Jean Etienne, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Baker Joséphine ici présente? Oui. Mademoiselle Baker Joséphine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bouillon Joseph Jean Etienne ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Et c'est dans un double éclat de rire que cette union vient d'être consacrée, cependant que Joe Bouillon maintenant embrasse sa nouvelle femme. Et toutes les personnalités, les témoins, les mariés d'abord, les témoins ensuite signent le procès-verbal de la cérémonie, cependant que les invités quittent ce grand salon doré pour aller dans la petite chapelle voisine où va être célébrée la cérémonie religieuse. Les deux nouveaux époux viennent d'arriver dans la petite chapelle, suivis par tous les invités et par tous les gens du village de Castelnau. Ils sont maintenant debout devant le prie-dieu, cependant que Pierre Guillermin à l'harmonium et Georges Bouillon au violon jouent une musique qui a été arrangée et composée par Pierre Guillermin. Et le jeune curé de Castelnau s'avance maintenant pour adresser une allocution aux nouveaux époux. En cette heure de votre messe solennelle de mariage, où devant Dieu, pour la première fois, vous allez changer vos serments, il me reste à m'acquitter envers vous de notre devoir, de ma charge, de mon ministère. Celui de vous parler brièvement de la grandeur du mariage et des graves obligations qu'il impose. Le mariage est grand parce qu'il a dans son origine quelque chose de divin. Le créateur de l'univers venait de faire sortir l'homme du néant pour être l'ornement et le roi de la nature. Il l'avait placé dans l'Éden, ce jardin merveilleux où tout n'était qu'enchantement, mais il ajoute aussitôt, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui donne alors une compagne qui sera l'os de ses os et la chair de sa chair. La vie de l'homme isolé n'est-elle pas en effet condamnée à la tristesse et à la stérilité quand elle n'a pas pour l'embellir et la féconder les nobles aspirations d'un grand idéal ou les généreuses pensées de la charité et du dévouement chrétien? Il s'en va ce cœur incapable de se fixer, égrenant sur le chemin de la vie tous les trésors de bonté que le Seigneur lui a départis. Et la vieillesse arrive bientôt, apportant toujours avec elle les plus douloureux regrets, et celui surtout de partir sans se survivre à lui-même par la beauté de ses œuvres ou les espérances légitimes de sa postérité. Aussi, monsieur, avec tout le sérieux qui vous caractérise et qui vous a donné la connaissance de la vie, de ses responsabilités, vous avez voulu fixer votre destinée en offrant votre cœur et tous les trésors qu'il renferme à la fiancée de votre choix, capable de comprendre vos grandes et nobles aspirations. Vous devez naître par une connaissance mutuelle plus approfondie, ce don réciproque qui vous amène ce matin au pied des saints autels. Vous savez aussi que le mariage est grand parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en a fait un sacrement, c'est-à-dire un de ces canaux mystérieux par lesquels la divine bonté fait descendre sur les créatures ses grâces les plus abondantes. Par les effets du sacrement de mariage, les époux chrétiens participent à l'action créatrice de Dieu qui a mis dans leur cœur un besoin de survivre à leur amour, besoin si profond que le poète a pu dire en toute vérité « Oh l'étrange loi, est-on seul, à deux l'on veut être. À peine est-on deux ensemble, l'on veut être trois. » Mademoiselle, monsieur, vous êtes trop pénétrés l'un et l'autre de la grandeur du sacrement pour que j'ai besoin d'insister. Mais voyez-vous, dès lors, quelles saintes obligations vous imposent le mariage? Et sur quelle base solide vous devez édifier vos deux vies, désormais confondues? C'est le cœur qui doit en régler tous les mouvements, en confondre toutes les aspirations, réalisant les paroles de nos saints livres, « Coronum et anima una », un seul cœur et une seule âme. Cet amour sera donc tout d'abord réciproque. Que la vie est belle, quand la main dans la main, confiant l'un en l'autre, les époux chrétiens marchent en faisant le bien, dans la mesure de leur force et l'accomplissement entier de leur devoir. Votre amour doit être pur de tout mélange. La loi civile vous l'a peut-être déjà dit, mais leur religion va plus loin, car celle-ci défend jusqu'à l'ombre de ce que celle-là est incapable de punir. Il faut qu'il en soit ainsi pour que la famille soit respectée, les traditions saintes sauvegardées, la société protégée. Une fois de plus, vous verrez par votre expérience personnelle que la religion qui paraît se préoccuper uniquement de l'au-delà est encore ici-bas la meilleure, disons la seule, capable de conserver intact tout ce qui fait la grandeur et la beauté de notre nature. Est-il, je vous le demande, une sérénité comparable à celle des époux chrétiens, quand au soir de leur vie, ils peuvent ensemble jeter un long regard sur le passé et se rendre le témoignage qu'ils ont été sur terre les gardiens tutélaires des saintes traditions qui ont fait l'âme française, et qu'ils en ont légué la flamme à ceux qui, eux, disparus, perpétueront leur nom et vivront de leurs exemples. Votre amour doit être généreux. Générosité qui doit aller jusqu'au plus grand sacrifice de l'esprit, du cœur et de la volonté. Chacun pensant, aimant, voulant ce que pense, aime ou veut l'autre. Et si parfois dans la pensée et la volonté, il y a diversité, que ce soit par des dons, par des douces persuasions, que l'harmonie revienne au foyer domestique. Que votre amour soit fidèle, c'est-à-dire qu'il ne subisse pas les variations du temps. Aussi généreux et sincère au soir de votre vieillesse, si le Seigneur vous y fait pas venir, qu'il se trouve l'être à son aurore. Fidèle dans les joies comme dans les peines, je dis plus, meilleur dans les peines, puisque la joie se double en se partageant, tandis que la peine s'amoindrit par le partage. Il en sera ainsi, monsieur, mademoiselle, si vous vous souvenez que votre amour doit être fait tout de tendresse et de soins affectueux. C'est en grande partie de vous que peut défendre la bonne harmonie dans le ménage. À l'homme, en effet, avec les charges de la vie, doivent revenir en partage les vertus qui engendrent la force, la vaillance au milieu des difficultés, la persévérance dans l'effort, l'ardeur dans le travail autant que la lumière dans les décisions. Mais pour qu'il réalise pleinement sa destinée, il faut qu'il puisse avec confiance s'appuyer sur un cœur qui puise dans sa bonté généreuse et tendre son empire. C'est donc votre douceur, mademoiselle, votre bonté constante, votre égalité d'humeur, votre aimable condescendance, qui feront que votre époux ne se trouvera jamais plus heureux qu'auprès de vous, préférant votre société à tout autre. N'ayez crainte d'ailleurs, votre époux n'abusera pas de ses avantages, car s'il trouve en vous quelques imperfections, il fera retour sur lui-même et s'appliquera la forte pensée de Joubert: à votre épouse, pardonnez toujours, à vous, ne pardonnez jamais. Pour réaliser cet idéal, rappelez-vous l'un et l'autre les paroles de l'apôtre Saint Paul traitant de la charité chrétienne, et que je puisse certes appliquer à l'amour chrétien sans les détourner de leur véritable sens. Le véritable amour est fait de magnanimité et de douceur. Il ne porte envie à personne, il n'agit point à la légère et ne cherche point à s'élever par orgueil ou ambition, mais reste modeste et réservé. Il ne cherche point ce que son amour propre lui ferait croire être à lui. Il ne s'irrite point en présence de l'injure, mais il est tolérant et bon. Ferme sans dureté, tendre sans faiblesse, seront les deux chevilles ouvrières de votre rôle d'époux, monsieur, qui vous vaudront avec une fidélité inviolable le sourire toujours de l'ange de votre foyer. car ce sera votre mission, mademoiselle. Être l'ange de votre foyer, le rayon de soleil, si vous préférez. Avez-vous remarqué comme c'est triste une maison sans soleil? Dès qu'un rayon pénètre, il se joue sur les glaces, qu'il renvoie sur les meubles, en passant, il rajeunit les tapisseries et déride les vieux portraits de famille. Rien n'a changé dans la maison et cependant, elle n'est plus la même. Vous serez ce rayon de soleil dans la vie de votre époux. Devant Dieu, vous allez maintenant vous donner définitivement l'un à l'autre, avec toute l'ardeur et la franchise de vos sentiments. Vous me permettrez donc encore une fois, avant d'appeler sur vous deux les bénédictions divines, d'unir mes sentiments à l'ardeur de ceux que professe pour vous l'assistance sympathique autant que distinguée qui vous entoure, et d'ajouter mes voeux à tous ceux qui montent vers le ciel en votre faveur. Pendant la Sainte Messe que je vais célébrer à votre intention, vous prierez avec ferveur. Nous prierons tous ensemble pour que votre existence tout entière s'illumine de cette radieuse aurore et que votre vie nouvelle, commencée dans l'allégresse au pied des saints autels, se poursuivre toujours chrétiennement sur le chemin du bonheur, ainsi soit-il. Si vous voulez bien, je vous prie, vous lever. Jo Bouillon, voulez-vous prendre Joséphine Baquer, ici présente, pour votre légitime épouse, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui. Joséphine Baquer, voulez-vous prendre Jo Bouillon, ici présent, pour votre légitime époux, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui. En signe de votre mutuel consentement, donnez-vous la main droite. Et au après la messe, les époux, bras dessus, bras dessous, semblant enfin prendre leur rôle au sérieux, précédés par les enfants de chœur, par le curé et suivis par les membres du cortège, marchent sur un tapis de fleurs et de feuilles qui sont jetés sur la route qui contourne la propriété, et ils arrivent maintenant devant la porte principale du château, où on leur sert une soupe à l'oignon et un verre de vin. Le vin du pays, et manger la soupe à l'oignon. Et vous avez le présage d'un bonheur total devant toute la population réunie qui vous présente ses vœux. Et Joséphine mange de bon appétit et avec plaisir, semble-t-il, cette soupe à l'oignon qui paraît très épicée. C'est poivré, dit-elle. Elle fait la grimace. Et Jo, très galant homme, lui tend le verre de vin. Dis-moi, Jo, qu'est-ce que c'est qu'on vous sert là? C'est un filtre d'amour. Oh, c'est magnifique. C'est une soupe à l'oignon, paraît-il, c'est une coutume du pays. Mais c'est très poivré, alors il faut boire après. Je vais boire après, Joséphine. Enfin, c'est pour vous donner des forces. Et pour la première fois, je dis que Joséphine est ma femme. Bravo. Alors, attendez. Vous les revoir. Les photographes s'en donnent à cœur joie. Et nous allons maintenant pénétrer dans la grande salle du rez-de-chaussée, dans le salon oriental, où va être servi le déjeuner. Cette scène très pittoresque fait la joie des photographes et des cinéastes qui nous entourent. Les invités, au nombre d'une vingtaine environ, car je le répète, cette cérémonie du mariage de Jo Bouillon et Joséphine Baquer est tout à fait intime, se sont réunis au nombre d'une vingtaine dans le salon du rez-de-chaussée, cependant que les journalistes, les photographes, les cinéastes étaient invités à se rassembler dans un hôtel à Bénac, le village le plus près d'ici. Et à la fin du repas, nous avons la bonne fortune, sur le perron du château, de grouper autour du micro Georges Bouillon et Pierre Guillermin, qui a composé la musique de messe que vous avez entendue tout à l'heure et qui a été jouée dans la chapelle du château des Mirandes. Je m'adresse tout d'abord à Pierre Guillermin pour lui demander sur quel motif a-t-il trouvé le thème de cette messe. Le motif est très simple, c'est le nom même de Joséphine Baker et Jean Bouillon. J'ai écrit le nom et sous chaque lettre, j'ai mis les notes correspondantes en me servant de la notation par lettre qui est très usitée en Allemagne et en Angleterre. Oui, c'est ce que je voulais demander d'ailleurs à Georges Bouillon, qui a magnifiquement accompagné cette messe au violon. C'est une méthode qui n'est pas nouvelle en France, n'est-ce pas, de mettre des lettres sur des notes sur des lettres. Absolument. J'ai été très heureux pour Jo et Joséphine, pour qui va toute mon affection, de jouer ce morceau en première édition de Pierre Guillamin. C'était d'ailleurs très bien, et je pense que, mes chers auditeurs, vous qui avez entendu ça tout à l'heure, vous êtes exactement du même avis que Georges Bouillon. Et voici Jo Bouillon, qui a changé de costume à la suite de ce repas, qui est maintenant en costume gris clair, alors qu'il a participé à la cérémonie en costume, je vous l'ai dit, complet droit bleu marine, et qui va nous donner ses impressions, car c'est la première fois que vous convolez en juste noces, mon cher Jo. C'est vraiment la première fois, et j'avoue que c'est le plus beau jour de ma vie, jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? J'espère que j'en aurai d'autres encore. Bon, mais dites-moi, nous avons un regret, nous, les auditeurs de la radio, en sachant que vous allez partir pour une longue tournée, je crois, en Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails à ce sujet? Eh bien, nous partons en Amérique du Sud dimanche prochain à Orly, pour une tournée qui débutera à Buenos Aires, et une tournée qui aura environ 3-4 mois. L'Amérique du Sud, au Chili, en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Uniquement l'Amérique du Sud, uniquement vous ne ferez pas les États-Unis? Je ne crois pas. Il se pourrait par la suite que nous montions jusqu'à New York. Je dis que nous montions comme le tout garçon du Midi que je suis. Quand je vais à Paris, je dis je monte à Paris. Alors, de Buenos Aires ou de Rio, je dis je monte à New York. Et que nous rentrions par l'Amérique du Nord. Mais ce serait une simple petite escapade que je ferai, je crois, avec Joséphine, et ce serait notre véritable voyage de noces, parce que là, nous travaillerons. Ah bon, parce que Madame Jo Bouillon va accompagner l'orchestre dans cette ma tournée femme. Américaine. C'est la première Madame fois au jo micro. Bouillon, ma femme. La première fois au micro que j'ai dit ma femme. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? C'est assez étonnant. J'avoue qu'il faut s'y habituer, n'est-ce pas? Ça viendra. Il paraît que ça vient très bien. Bon, eh bien, si vous permettez, Jo, je vais vous souhaiter bon voyage pour votre tournée avec votre orchestre, et au nom de tous les auditeurs de la radiodiffusion française, et qui sont habitués à vous écouter. Nous espérons que vous remporterez un grand succès et que vous nous reviendrez bientôt avec des airs nouveaux. C'est avec joie que je retrouverai toujours les antennes françaises, et j'en profite pour dire une fois de plus, car évidemment les auditeurs nous entendent bien souvent avec l'orchestre, ils nous ont entendu encore aujourd'hui à midi, je crois, mais à leur dire à tous un grand merci, car grâce à la radio tout de même, c'est un peu comme s'ils avaient été aujourd'hui au Mirande avec nous. Alors de tout cœur, merci à tous et à bientôt. Et l'on ne saurait terminer, bien entendu, un reportage sur le mariage de Jo Bouillon et de Joséphine Baker sans faire parler l'héroïne de ce mariage, Joséphine Baker en personne, qui elle aussi a changé de robe à l'issue de ce déjeuner tout à fait intime, puisqu'elle apparaît maintenant en robe de toile imprimée bleu et blanc. C'est ma ça, chère Joséphine, je veux bien rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, très voilà, bien, merci. Il fait très chaud ici, non? Je veux bien rappeler aux auditeurs qui nous écoutent cravate, que nous sommes vraiment très heureux de vous voir en si parfaite santé, merci parce bien que vous avez été une parfaite résistante, vous avez beaucoup souffert, vous avez été décorée sur votre lit de souffrance, de la médaille de la résistance. Oui. Et je voudrais que vous nous disiez quels sont maintenant vos projets. Jo Bouillon, votre mari nous les a dit tout à l'heure en ce qui le concerne, mais vous-même. Oui, nous sommes mariés depuis combien de temps? Depuis quelques heures. Quatre heures. Ça fait, quelle heure est-il maintenant? Environ 4 heures. 4 heures. Alors, vous allez l'accompagner au cours de sa tournée. Oui, nous allons partir tout de suite, quoi. Partons dimanche. Dimanche prochain. C'est cela. Bon, dites-moi une question traditionnelle. Bien entendu, vous nous avez chanté si souvent « J'ai deux amours, mon pays et Paris » que je crois qu'après l'action que vous avez faite pour la France au cours de ces dernières années, vous pourriez peut-être faire une variante à cette chanson et nous chanter un petit peu « J'ai deux amours, mon mari et Paris ». Vous seriez très gentil si vous vouliez bien, accompagné par Pierre Guillermin qui est là sur la commode dans le salon oriental. Non. Vous ne pouvez pas. Oh non, merci bien. C'est tellement spécial. Ici, c'est la vie privée. Nous avons chacun le droit d'avoir un tout petit peu vie privée. Ça nous mais regarde. Je l'ai souligné, ça, ma chère. Oui, mais, j'ai dit mais que c'était un mariage tout à fait intime. Vous comprenez. Pas, surtout vous avez ici, vu c'est spécial. C'est le commencement de la Dordogne, de la résistance. Vous savez, c'est ici. Nous avons donc perdu justement un garçon de ferme et notre chef de gare et tout ça. Ça touche le cœur ici. C'est autre chose. C'est loin de tout et en tout cas très près de tout en même temps. Oui. Non, ça j'aime pas. Et je vous sens et je vous vois très ému en rappelant ces souvenirs, en évoquant ces souvenirs, mais je n'aurais pas voulu, ma chère Joséphine, que vous réserviez aux auditeurs américains que vous allez voir dans quelques jours la primeur de votre rentrée sur scène. Et j'aurais voulu que quelques mesures seulement vous les donniez aux auditeurs français qui, vous le savez, ont beaucoup de sympathie pour vous. Oui, vous n'êtes et pas Pierre marié, Guillermin, vous, non. Et Pierre Guillermin qui est à l'écoute, partout, qui est là au piano, voudrait bien vous accompagner dans quelques mesures du refrain de J'ai deux amours. Non, je ne chante pas. Non. Vous ne pouvez pas. Non. Bon, vous en voulez. Eh bien, je n'insiste pas et je vous remercie en tout cas de bien vouloir boutonner les boutons de ma chemise, car il fait très chaud, Victor, évidemment. Il y a notre ami Victor qui est là, vous savez, notre ami Victor. C'est un des grands chefs de résistance d'ici. Ah, voulez-vous me le présenter? Oui, parce que j'aime beaucoup les résistants. Monsieur, ah oui, monsieur Victor, c'est le grand, un des grands chefs. Alors, voulez-vous me rappeler son action, ou à moins que je lui demande? C'est lui-même qui peut dire ça mieux que personne. Alors, je vous laisse la parole, mon cher ami. Je crois que mademoiselle Joséphine exagère beaucoup en disant que je suis un grand chef de la résistance. Je n'ai fait que ce que mon devoir me demandait de faire dans des moments difficiles. Enfin, vous avez connu Joséphine Baker à l'occasion et pour la résistance, non? Et je sais surtout que Joséphine Baker a bien fait son devoir de française. Elle a eu une action très brillante dans la résistance. Nous la connaissons un jour tout à fait grand au point de vue résistant. Et elle a toute l'affection des résistants du Sarladé, de ce Sarladé qui a particulièrement souffert. Car nous avons chez nous supporté pendant longtemps les effets de l'occupation ennemie et de la guerre. Et je ne puis que remercier Joséphine Baker de tout ce qu'elle a fait pour la France et pour la résistance. Eh bien, je m'associe à vos remerciements, mon cher monsieur, et je suis sûr que les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment seront très heureux de savoir que ce mariage bien parisien s'est déroulé dans cette région de la Dordogne, dans ce Sarlaté, et qui est si pittoresque, qui est si joli, comme je l'ai dit au début de ce reportage. Et une fois de plus, je veux laisser le micro à Joséphine Baker pour qu'elle vous donne, mes chers auditeurs, un dernier au revoir. Monsieur Dubois, permettez que je vous embrasse pour notre ami, notre grand ami Pierre Bloch, qui n'est pas ici. Vous voulez bien? Plaisir. C'est une accolade réellement sympathique. Alors, une dernière fois, Joséphine, voulez-vous dire au revoir, puisque je pense que vous reverrez. Vous êtes fan de louche, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, c'est rien, j'ai arrangé ça. C'est la résistance qui a marqué. C'est cela, exactement. Alors, je pense, Joséphine, que vous reviendrez bientôt vous montrer à tous les spectateurs et auditeurs français qui vous aiment tant, vous le savez bien. Merci. Et qui vous aiment d'autant mieux pour tout ce que vous avez fait, surtout au cours de ces dernières années. Dites-leur au revoir et à bientôt, ils en seront ravis. C'est mon mari qui va parler mon nom. Mais j'ai déjà parlé, mon chéri. J'ai déjà parlé beaucoup, mon chéri. Et je souhaite que nous revenions très bientôt et que cette fois-ci, avec l'orchestre, Joséphine chantera pour les auditeurs de France. Oh. Et Ferra, tu as oublié Ferra? C'était le mariage de Joséphine Baker et Joe Bouillon, reportage de Jean Quittard, le 3 juin 1947 pour la chaîne parisienne. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Is the day that gives me time to love and linger, love my life. Tonight comes on with sundown scythe to end the pause of pantomime. She is the day of love. She is the bridge on which I wait to watch the river neath me flow, all spinning, surging far below. Along the deep and bending straits, she is the bridge of love. She is the air I breathe entranced, wake or sleep in storm or calm. Owing to wash my lifted palm, the sky that calls me out to dance. She is the air of love. She is the day through which I walk toward the bridge where she stands. She is the air I breathe to sing. She is a smile without demands. She is a smile that keeps me warm with matchless laughter, eyes ablaze. A mischief mystery she plays upon the flute of early morn. She is a smile of love. She is the air of love. She is the day of love.